Swann n'allait chez Odette que le soir. Il ne savait rien de l'emploi de son temps pendant le jour, pas plus que de son passé, au point qu'il lui manquait même ce petit renseignement initial qui, en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le connaître. Aussi, ne se demandait-il pas ce qu'elle pouvait faire, ni quelle avait été sa vie. Sentant que souvent, il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toutes choses, et qu'il aimait d'ailleurs, comme tout ce qui venait d'elle, qui l'enchantait même, car c'était, autant de traits particuliers, grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Il trouvait un plaisir d'autant plus profond, non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que, comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour. Comme tout ce qui environnait Odette, et n'était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir, causer avec elle, il aimait la société des Verdurin. Là, comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, soupers costumés, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données pour les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurin faisaient à Swann en l'invitant le don inestimable. Il se plaisait, mieux que partout ailleurs, dans le petit noyau, et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que par goût, il le fréquenterait toute sa vie.